de faire l'évangélisation d'une, pas avec les croisades, mais plus à travers les arts, la musique, les films, les petits groupes, les soirées, les sorties, toutes sortes d'affaires. Et pour Glenn et moi, c'était un moment où on a pu vraiment expérimenter le ministère et faire les épreuves et apprendre. Et ensemble, dans cette église, on a appris beaucoup, beaucoup de choses. C'était vraiment une douzaine d'années, je dirais, où ça roulait beaucoup. J'étais ancienne pendant 7 ans, mais ce n'était pas mon bague. Je n'ai pas des dons de soins pastoraux, alors j'ai laissé ça. Mais j'étais coordonnatrice pour ce centre de la foi des enfants, où c'était à moi de recruter, de former et aussi d'enseigner ces enfants. On a enseigné aux personnes khmères comment faire avec leurs propres enfants. Alors, c'était un apprentissage pour eux. Et j'avais aussi un ministère de formation auprès d'autres femmes qui étaient plus jeunes dans la foi avec les petits-enfants comme moi. Alors, c'était vraiment une longue temps de ministère. Par contre, ce n'était pas une église parfaite. On a brûlé un pasteur après l'autre, puis on ne savait pas exactement pourquoi cette chose est arrivée, mais ça faisait partie de la personnalité de cette église. J'avais beaucoup, beaucoup d'amis dans cette église. En 1999, on a pris une année sabbatique, et juste avant, l'église avait pris une décision de faire un virage à gauche ensemble et d'installer une nouvelle philosophie. Et en quittant, il y avait un changement aussi dans le leadership assez radical. Il y avait plusieurs anciens qui sont partis et plusieurs qui sont installés. Et là, ça a éclaté complètement autour de cette nouvelle vision. Alors, c'était une crise majeure dans l'Église. Nous étions en Haïti pendant que les choses ont éclaté, mais c'était notre faute quand même. Et c'était très difficile de regarder ce qui se passait de loin, de recevoir les critiques par courriel et de ne rien faire. En tout cas, c'était très, très compliqué comme situation. Et il y avait un exode qui a commencé dans l'Église. Quand nous sommes revenus, dans le mois de mai de cette année, après 6 mois d'être partis, peut-être un tiers de l'Église avait été déjà parti. Et quelques-uns dans le leadership. Et c'était très, très douloureux de ce moment-là jusqu'à ce que nous sommes partis 18 mois plus tard. Alors, on était quasiment les derniers à partir au sein du leadership. Il y avait juste une ou deux personnes qui restaient dans le leadership après notre départ. On était comme la dernière pour fermer la porte, quasiment. Et quand nous sommes partis, il y avait peut-être 50 personnes dans la salle. Alors, c'était vraiment une crise qu'on ne veut pas jamais vivre. Quand nous sommes partis à Noël 2000, on nous sommes une couple de l'Église. On ne peut pas ne pas aller à l'Église. Alors, Glenn s'est arrangé pour prêcher dans les églises, ça fait son affaire. Et moi, j'ai commencé à visiter d'autres églises pour chercher un autre chez nous, un autre lieu ecclésiale avec les filles, deux des trois filles. Et puis, j'ai commencé à faire mon deuil et de vivre une angoisse très profonde. Les dimanches étaient les dimanches de l'enfer. J'ai pleuré chaque dimanche pendant 8 mois, je dirais. J'avais mon journal de bord, mon journal de dimanche, et je l'ai sorti il y a 2-3 jours pour lire les choses. Puis, j'étais vraiment vraiment au fond d'un tunnel. Je ne savais plus si j'aimais l'Église. J'étais certaine que j'aimais plus le monde. J'étais pas complètement certaine que j'aimais Dieu, mais ça, il m'a tenue. Et j'ai senti qu'il m'a tenue pendant cette période-là. Mais entre moi et les gens, il n'y avait rien. Alors, ça cause un dilemme pour une femme qui est appelée à être missionnaire. Qu'est-ce que je vais faire pour le reste de ma vie si je n'aime pas le monde, si je n'aime pas les gens et je n'aime pas l'Église? Et à chaque dimanche, on a visité des églises différentes, anglais, français, anglicain jusqu'à pentecôtiste, haïtien, on a visité toutes, mais je n'étais pas dans un état d'être capable d'apprécier qu'est-ce qui était dans chaque église. J'étais très, très critiqueuse. Alors, ça soulignait juste mon isolation à chaque fois que j'ai fréquenté une église. Et ma question était, est-ce que je suis finie? Est-ce que j'ai fini ma carrière? Et est-ce que je serai jamais, à l'avenir, être capable de m'intégrer dans une autre assemblée? Ou est-ce que je vais m'asseoir sur un banc en arrière d'une quelconque assemblée? Ou est-ce que je serai appelée à être visiteur dans une église, une après l'autre, pendant que Glenn prêchait? Est-ce que ça, c'est mon sort? Et ça, c'était très, très pénible pendant longtemps. Finalement, on a choisi une église où j'avais moins d'angoisse et moins de colère quand je suis sortie. C'était un peu le critère à ce moment-là. Mais aussi, c'était une église qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas d'attente face à nos dons. Quand nous sommes entrés dans plusieurs églises, quand ils voyaient le visage de Glenn, ils pensaient que le sauveur est arrivé. Puis on n'était pas prêts à sauver personne. Alors, dans l'église où on a choisi, Rosemount Bible Church, les anciens nous ont dit, asseyez-vous, reposez-vous, recevez de nos ministères. On n'a pas besoin de vous, dans un sens, mais c'était un bon commentaire. Et on a resté là 5 ans. Je savais que ce ne serait pas notre église jusqu'à la fin de nos vies pour différentes raisons, mais c'était une bonne place pour quelque temps. Et mon journal de dimanche a commencé à prendre un peu plus de légèreté. La guérison qui s'est installée était très longue. Et ça, c'est la première chose que je voulais partager avec vous. Parce que quand je placote avec différentes personnes de l'Assemblée, je sais qu'il y en a toujours ceux qui souffrent à différents niveaux de qu'est-ce que vous avez vécu en tant qu'Église. Et la guérison ne vient pas dans un dimanche ou une année. Mais il y a des niveaux de guérison et de restauration qui peuvent être effectués par différents moyens. Alors, ce matin, ça c'est mon longue introduction, et j'aimerais regarder Jean 21, parce qu'on parle beaucoup de notre questionnement face à Dieu quand nous sommes dans l'embarras, nous sommes dans l'angoisse et dans le tunnel. Mais c'est un récit où Jésus a posé des questions à Pierre quand il se trouvait dans cette situation. Alors, c'est un peu différent. Puis, on ne veut pas admettre parfois que Dieu nous pose des questions. Alors, j'aimerais lire le récit avec vous et faire quelques commentaires à propos de ce qui arrive dans ce récit. Puis, c'est tellement... c'est un de mes récits préférés à cause du drame, à cause de l'atmosphère et différentes choses qui circule autour de cette histoire. Alors, Jean 21, après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples. Alors, c'est le dernier chapitre de Jean. Il est déjà ressuscité, il est déjà apparu 2 fois aux disciples. De la mer de Tibériade, voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Alors, ils sont 7 des 11 ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons nous aussi avec toi. » Alors, c'est comme ils reprennent leur vie d'avant Jésus. OK, on va aller à la plage, c'est quelque chose que nous connaissons. Mais c'est intéressant que Jésus leur avait déjà rencontré puis il avait déjà donné leur mandat de continuer la mission qu'il avait démarrée dans le chapitre avant. Mais ils retournent à la pêche. Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. On appelle ça une analepse, un petit clin d'œil qui nous fait penser à quelque chose qui est déjà arrivé. Alors, ils étaient déjà dans la barque à plusieurs reprises. Ils ont déjà eu les problèmes de ne rien prendre. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Alors, Daniel ne savait pas que j'allais parler sur ce texte, puis elle a mis Jésus au bord de la mer ce matin avec le texte. Alors, je trouve ça intéressant. Jésus leur dit, « Enfin », ou c'est comme, « Et les gars », c'est un peu comme ça, « Et les gars, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non ». Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Alors, ils le jetèrent donc, ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, quand Jésus arrive, les choses bougent. Hein? Alors, il apparaît, puis encore un miracle qu'ils comprennent. Alors, c'est vraiment touchant de voir que Jésus est toujours là pour les aider, leur donner un clin d'œil qu'il est toujours le Dieu souverain. Alors, il leur dit, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et c'est intéressant, au moment du miracle, ils le reconnaissent. Ils n'étaient pas certains avant que c'était lui. Mais au moment de ce miracle, « Ah, ben oui, hein, c'est familier. Ah oui, je sais maintenant qui est-ce. » Comme en Luc, il utilise le même truc avec les deux hommes sur le chemin d'Emmaüs, et quand Jésus brise le pain, ils le reconnaissent. Alors, c'est la même chose. Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, en fait, c'est pas qu'il s'est habillé, mais il a mis sa robe puis il l'a attaché dans sa ceinture. C'est comme il a fait comme ça pour qu'il puisse nager jusqu'à le bord de la mer. Alors, il mit son vêtement car il était nu et se jeta dans la mer. Et les autres disciples vinrent avec la barque, entraînant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées, ou à peu près 100 mètres. Lorsqu'il fut descendu à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus, et du pain. Et Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Alors, c'est une scène tranquille. À part de la pêche miraculeuse, et les deux barques devraient se mettre ensemble, puis alors il y a de l'action tout d'un coup, mais quand ils arrivent au bord de la mer, de ce lac, il y a le petit brasier, un poisson dessus, il y a du pain, et Jésus les accueille. Quelqu'un a prié, je pense, ce matin, à propos de l'accueil de Jésus. Alors, Jésus était accueilli dans plusieurs foyers à plusieurs moments, mais c'est sa façon de recevoir. C'est très simple. Et je ne sais pas si vous êtes jamais allé au bord de la mer très tôt le matin, c'est très tranquille. Il y a des vagues, il y a parfois des gens qui marchent ou font du jogging, mais c'est très tranquille. Il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a pas d'enfants encore. Il y a parfois les oiseaux qui vont à la pêche aussi. Alors, j'imagine cette scène tranquille. Et même à ce moment-là, à partir de ce moment-là, oui, il s'adresse à tout le monde, mais c'est vraiment une conversation qui va avoir lieu entre lui et Pierre. On n'a plus besoin des autres figurants dans la scène, parce que c'est quelque chose qui doit régler entre lui et Pierre. Alors, Simon-Pierre monta dans la barque, tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Jean était là, il sait le compte, hein? Alors il le recorde dans son évangile. Et quoi qu'il y en eu tant, le filet ne se déchira pas. Est-ce que c'est un autre miracle? En tout cas, ça nous rappelle que quand Jésus arrive, les choses sont un peu différentes. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » car ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna ainsi que le poisson. Et ils mangent. Alors, une scène incroyablement simple, mais remplie de différence parce que Jésus est là. Et quand nous faisons le train-train de nos vies, et nous avons les choses qui sont lourdes sur nos cœurs, on continue à faire notre routine, hein? On continue à faire les choses qui sont simples. Mais j'aimerais vous rappeler que quand Jésus apparaît, les choses changent, les choses bougent, et il a à cœur notre bien-être, notre besoin de lui, et de régler des choses, de guérir les choses. Alors, dans la simplicité de cette scène, il n'y a rien qui est simple. Et nous savons le contexte de cette histoire, n'est-ce pas? Pierre avait déjà renié Jésus. Ça fait pas longtemps. Ils n'ont pas eu encore une conversation là-dessus. Jésus est venu, et comme j'ai dit dans le chapitre avant, il leur donne leur mandat. Alors, ils sont déjà rétablis dans leur mandat, mais ils ne sont pas encore restaurés. Et moi, je veux faire la différence, parce qu'on peut reprendre nos fonctions sans être restaurés. Et Jésus nous donne l'espace, pas simplement de reprendre nos fonctions et de recevoir le rétablissement de nos tâches et notre appel, mais il nous donne l'espace pour se faire restaurer. Puis ça, c'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus personnel. Alors, verset 14, excuse-moi, c'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas. » Et ça, c'est la façon qu'il a appelé Jonas, Simon la première fois. Au début de l'Évangile, en chapitre 1 déjà, il l'a appelé en disant, « Simon, fils de Jonas. » C'est comme les appuis-livres un peu de cet Évangile. Hein? « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? » Alors, il y a un peu de confusion. Qu'est-ce que ça veut dire, cette question? Est-ce que tu m'aimes plus que les disciples m'aiment? Est-ce que tu m'aimes plus que tu aimes les disciples? Est-ce que tu m'aimes plus que tu aimes la carrière d'être pêcheur? Alors, c'est pas clair. Mais c'est pas important, vraiment. Parce que la question est-ce que tu m'aimes? Ça, c'est la question. Alors, Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Alors, il n'a pas demandé à Pierre d'aimer les agneaux. Il n'a pas aimé à Pierre d'aimer les poissons. Parce que les poissons est un symbole dans les évangiles de la récolte, n'est-ce pas, de l'évangélisation, de chercher d'autres personnes pour faire partie du royaume. Et les agneaux et les brebis représentent l'Église, la communauté. Et nous savons que Pierre était spécifiquement mandaté de prendre soin de l'Église. Il va être le premier chef, le premier leader, la première porte-parole de l'Église. Alors, Jésus pose, il dit deux choses. J'aimerais savoir que si tu m'aimes, et j'aimerais que tu prennes soin de mes brebis. Alors, ça, c'est la première fois. Et nous savons très bien ce récit. Mais en verset 16, il reprend. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Alors, deuxième fois, un peu plus intense, n'est-ce pas? Première fois, mais ben, certainement, tu sais que je t'aime. C'est quoi cette affaire-là? Deuxième fois, « Ben oui, je t'aime. Pourquoi tu poses la question en voulant dire... N'insiste pas, je commence à être inconfortable dans cette conversation. Mais la troisième fois, il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Si vous êtes parent ou si vous n'êtes jamais avec les enfants pour les enseigner ou quoi que ce soit, quand vous posez un enfant la première fois, est-ce que tu me mens? Non. Oh, OK. Fais pas ça encore. T'sais. Est-ce que tu me mens? Non. Mais quand vous posez la question la troisième fois dans le blanc des yeux, ça c'est très authentique. Hein? Puis l'enfant est. God, puis il va admettre la vérité, n'est-ce pas? Alors, j'ai pensé à si Jésus était avec moi, si j'étais à la plage, puis il me pose la même chose, surtout à propos de mon amour envers lui, trois fois, il faut que je dise la vérité. Et je pense que c'est cet espace que Jésus nous donne. Pas qu'il pose toujours la même question à la même personne, le même nombre de fois, mais il nous donne la liberté de dialoguer avec lui avec une authenticité. Mais lui aussi, il a des questions à nous poser. Et nous savons quelles sont ces questions? Nous avons des questions à poser à Jésus et nous avons le droit de les poser. Mon journal de dimanche était rempli de ces questions. Mais aussi, je me suis rendu compte que Jésus voulait me poser des questions. Ce n'est pas qu'il voulait me rétablir dans mon ministère, mais il voulait me restaurer dans ma relation avec lui. Après ça, le reste est plus facile. Si c'est clair entre Dieu et nous, qui nous sommes, où est notre attachement et qui est lui pour nous, les autres questions sont plus faciles à répondre. Alors, je ne sais pas, est-ce que Jésus avait besoin de savoir de Pierre s'il l'aimait ou est-ce que Jésus a compris que Pierre avait besoin de savoir s'il aimait Jésus? Alors, ça, c'est une question que je ne peux pas répondre, mais la question m'a chicotée pendant toute la semaine. Alors, est-ce que Jésus a besoin de savoir que nous sommes une Église qui est fidèle envers lui, qui est attachée à lui, ou est-ce qu'il pose la question à nous parce que nous avons besoin de savoir que nous sommes attachés à Jésus, malgré ce qui arrive, malgré ce qui est arrivé, malgré la douleur et les angoisses que vous avez expérimentées, que moi j'ai expérimentées dans ma situation? Moi, j'ai besoin de savoir que je suis toujours attachée à Jésus. Et il y a différents petits miracles qui viennent pendant les temps où on se trouve dans un tunnel. Et on ne devrait pas les ignorer ou les manquer. On a quitté l'église à Noël en 2000. Dans cet hiver-là, je me sentais très détachée d'une communauté chrétienne et c'était la première fois pendant des décennies que j'étais dans cette situation et je me suis dit, si quelque chose nous arrive, est-ce qu'on va avoir les amis pour nous aider? Parce qu'on n'a plus d'église. Et puis en mai, j'ai tombé malade, j'étais au lit pendant 6 semaines. Et j'avais la visite de plusieurs personnes pendant cette période-là. Alors, pour moi, c'était un petit miracle. C'était comme la pêche miraculeuse, où Dieu m'a dit, même si vous êtes entre deux places, vous n'êtes pas entre deux groupes de personnes. Alors, il y avait beaucoup de soutien et de l'aide pendant cette période-là. Pour moi, c'était un des premiers signes que Dieu ne m'avait pas abandonné, que je serais rétablie quelque part, je serais restaurée. Et même alité comme ça, ce n'était pas la pire période de ma vie à cause de la visite de mes amis et le soin de mes enfants et mon mari. Bon, alors il dit, prends soin de mes brebis. Et ça vient toujours en deuxième, parce que si ma relation entre moi et Dieu est claire et solide, je peux reprendre mes tâches. Où je peux entreprendre d'autres tâches. Alors, si cette chose est arrivée en 2000, ça a pris presque un an avant de choisir une autre église, ça a pris 4 ans comme il faut de commencer à aimer le monde. dans la deuxième année, il y avait une possibilité d'implanter une église. Alors, j'ai essayé d'imaginer faire ça. Mais je ne veux pas être avec telle personne, je ne veux pas faire avec telle personne, je n'aime pas cette sorte de personne, puis ça marche. Alors, j'ai compris que je n'étais pas la bonne personne pour implanter une église. Puis quelqu'un avec un mot de sagesse est venu me dire, « Sandy, n'implante jamais une église quand tu es dans un état de douleur et de tristesse. » Ce n'est pas un bon départ. Alors, on s'est donné la liberté de dire non à ce projet. Après, les Monettes sont revenus de la France et eux, ils voulaient implanter une église. On les a bénis, on leur a donné du conseil. OK, vas-y. Et éventuellement, ils avaient besoin de notre aide. Mais à ce moment-là, j'étais plus prête à m'insérer avec un groupe, pas une grosse organisation, mais peut-être de donner un coup de main, peut-être de... se rencontrer avec différentes personnes de Hockman, puis en partie, c'était Hockman qui m'a restauré, qui m'a donné de l'espoir. Mais c'était combiné avec d'autres choses. Tu souris, hein? Alors, il y a différentes choses qui arrivent dans nos vies, mais j'aimerais vous encourager avec ceci. Continuez le dialogue avec Jésus. Ne restez pas dans le silence trop longtemps. Parce qu'il a le brasier qui est allumé et puis il vous attend. En tant qu'Église et en tant qu'individu. Et si vous avez des questions qui ne sont pas encore répondues, il faut les écrire quelque part. Et c'est fascinant de voir quand vous avez quelque chose qui est tellement douloureuse et vous l'écrivez. Moi, souvent, je mets une date et je retourne lire une année, deux années, trois années après, je dis, « Wow! » Je me souviens comment il a répondu à cette question. Mais c'est subtil sur le coup. Alors, soit par un journal, soit par un groupe d'amis, parce que pendant cette période-là, on a formé une étude biblique chez nous, où on se rencontre toujours jusqu'à aujourd'hui. On est cinq couples. Les quatre des cinq sont là presque depuis le début de notre angoisse. Et ce groupe m'a aidé énormément de reprendre espoir, de voir que Dieu est à l'œuvre, de voir que Dieu avait quelque chose toujours pour moi. Et pendant toute cette période-là, j'ai continué à faire mon travail de bureau à Direction chrétienne, mais mon ministère dans le champ, si vous voulez, était très minime, parce que je n'étais pas capable. Avec Hokma, ça m'a introduit à Hochelaga Maisonneuve. Et comme vous savez maintenant, je fais le développement communautaire. C'est complètement différent de ma formation, de mon expérience, de mes années dans le ministère, mais ça m'a réjoui parce que Dieu a décidé qu'il n'avait pas fini de m'utiliser. Alors, j'aimerais vous encourager, continuez le dialogue, continuez à pousser contre les questions qui sont difficiles et de trouver les réponses et de ne pas manquer quand les réponses viennent. Et de ne pas rester dans le silence. Parce que Dieu a quelque chose pour chacun de nous, comme il avait quelque chose pour Pierre. Peut-être pas à la même hauteur ou la même grandeur que le ministère de Pierre. Ça, c'était unique et spécial dans un certain sens. Mais il avait besoin de savoir que Pierre serait attaché et fidèle à lui avant qu'il pouvait lui confier quelque chose à faire. Pour Pierre, le ministère d'être berger c'est un ministère difficile. Quelle est la chose que vous aimez faire? Quel don de l'esprit est-ce que vous avez? Comment est-ce que Dieu veut vous utiliser dans votre sphère d'influence, dans l'église, dans le quartier, etc. Et là, c'est la relation et la restauration prend du temps, mais qui nous équipe pour être capable de servir encore. Mardi, quand on était chez le chirurgien, puis il a déclaré Glenn guéri. Ça n'a rien changé pour moi, parce qu'il ne pouvait toujours pas lever le bras, il ne pouvait pas prendre sa mallette, et il ne peut pas m'embrasser. Alors, pour moi, il n'y avait rien qui avait changé. Mais vers la fin de la journée, j'ai repensé qu'est-ce que le chirurgien avait dit. Puis finalement, ce qu'il nous a dit était l'espoir. Il y a de l'espoir parce que la fracture est guérie. Maintenant, vous pouvez vous pousser plus fort et plus longtemps pour effectuer une restauration complète. Alors, on peut avoir une guérison à l'intérieur, mais la restauration prend du temps. La physiothérapie va être beaucoup plus longue que les visites chez le chirurgien. Mais ça nous donne de l'espoir. Alors, s'il y a un mot que je peux vous porter aujourd'hui, c'est vraiment un mot d'espoir. Que Jésus nous pousse quand nous sommes éprouvés. Il nous éprouve, mais c'est pour nous faire du bien, pour tester notre attachement envers lui. Et une fois que cette chose est rétablie, on peut aller de l'avant ensemble. Prions. Merci Seigneur pour l'exemple de Simon-Pierre. Merci pour son authenticité. Merci pour la façon que tu fais affaire avec nous. Merci pour ta patience, pour ta grâce et pour tes questions qui sont ardues parfois. Merci pour le dialogue. Merci pour l'espoir. Au nom de Jésus.